J'ai rêvé qu'un jour des femmes sans contour, au visage oublié, se firent voler l'envie. Grâce à qui sont-ils sur terre? Sûrement pas grâce à leur père. Le ventre de ces mères les destine à l'enfer. La femme serait bannie d'un monde où l'on oublie que la vie n'a pas de prix. Les gravats couleur poussière baignant le sang de la guerre, les enfants au bras de leur mère meurent sous la pluie des misères.